12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Druga na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Islamiści z Boko Haram porywają kolejne dziewczynki. ONZ apeluje, aby wojownicy natychmiast uwolnili uczennice. Smog nie służy młodym mieszkańcom Krakowa. Częściej cierpią oni na astmę w porównaniu z kolegami w innych częściach kraju. W Muzeum w Głogowie nowe eksponaty. Naczynia z epoki brązu przeniósł tajemniczy darczyńca. Pracownicy muzeum chcieliby serdecznie podziękować darczyńcy za tak szczytny gest. ONZ apeluje do islamistów z Boko Haram o natychmiastowe uwolnienie porwanych w Nigerii dziewczynek i ostrzega, że jeśli tak się nie stanie, bojownicy mogą zostać oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała wysoka komisarz praw człowieka, przekazuje je jej rzecznik Rupert Colville. Ostrzegamy sprawców porwania, że w międzynarodowym prawie znajduje się absolutny zakaz niewolnictwa, w tym także niewolnictwa seksualnego. Może to oznaczać zbrodnie przeciwko ludzkości. Tym dziewczynkom nie może stać się krzywda, muszą one natychmiast wrócić do swoich rodzin. Tymczasem islamiści z ugrupowania Boko Haram porwali dziś kolejnych 8 dziewczynek. W połowie kwietnia ta sama grupa uprowadziła ponad 200 uczennic. Władze Nigerii milczą, a mieszkańcy oskarżają rząd o bezczynność. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Do obu porwań doszło w północno-wschodniej prowincji Borno. To właśnie tam islamiści z Boko Haram mają największe wpływy. Sekta, znana także z brutalnych napadów na chrześcijan, chce wprowadzić w Nigerii islamskie prawo szariatu. Mimo że od informacji o pierwszym porwaniu minęło już kilka dni, prezydent Nigerii, Goodluck Jonathan, dopiero teraz zabrał głos w tej sprawie. Gdziekolwiek te dziewczynki są, znajdziemy je. Jednak mieszkańcy kraju są sceptyczni i oskarżają władze o bezczynność. Oni powinni wreszcie coś zrobić, bo na razie nie robią nic. Mówi jeden z mieszkańców wioski, skąd uprowadzono uczennice. W opublikowanym w internecie nagraniu liderzy Boko Haram zapowiedzieli, że sprzedadzą uprowadzone dziewczynki na targu niewolników. Od czasu, gdy 5 lat temu Boko Haram rozpoczęło rebelię przeciwko nigeryjskim władzom, w kraju zginęły tysiące osób. Tylko od początku tego roku w walkach w Nigerii śmierć poniosło ponad 1,5 tysiąca mieszkańców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dzieci w Krakowie częściej cierpią na astmę. Wyniki badań w dniu astmy przedstawiają lekarze z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. Okazuje się, że w całym kraju astma dotyka około 4% dzieci i dorosłych. W stolicy Małopolski najmłodsi cierpią na to schorzenie 3-krotnie częściej. W dużych miastach częściej występuje astma oskrzelowa, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. W naszych badaniach aż 12% 7-8-latków ze wszystkich krakowskich szkół zgłaszało objawy astmy oskrzelowej. Profesor Ewa Czarnobilska dodaje, że winne jest zanieczyszczenie powietrza, wiszący nad Krakowem smog. Porównywaliśmy występowanie astmy oskrzelowej u dzieci mieszkających blisko głównych traktów komunikacyjnych poniżej 200 metrów i powyżej 500 metrów. I dwukrotnie częściej objawy astmy występowały u dzieci, które mieszkały bliżej. Przez ostatni rok lekarze w Krakowie przebadali 7,5 tysiąca dzieci w wieku 7-8 lat oraz młodzieży w wieku 16-17 lat. Sprawa trefnego pasa na lotnisku w Modlinie trafia do sądu. Pozew przeciwko firmie Airbud, która pas budowała, złożył Mazowiecki Port Lotniczy. Domaga się prawie 35 milionów złotych oraz odsetek. To za to, że pas miał pęknięcie i przez to przez kilka miesięcy samoloty nie mogły ani startować, ani lądować w Modlinie. Wykonawca nie zgadza się z tymi zarzutami, tak mówi prawnik spółki Mariusz Moczydłowski. Za wykonanie pasa startowego w Modlinie odpowiedzialny jest podwykonawca. Airbus w ramach wykonawstwa zastępczego w celu jak najszybszego przywrócenia ruchu na lotnisku zrealizował w porozumieniu z inwestorem prace naprawcze na pasie. Zarząd Airbus SA podtrzymuje swoje stanowisko, że przyczyny uszkodzenia są niezależne od spółki. Prezes lotniska w Modlinie Piotr Okieńczyc czeka, aż spór rozstrzygnie sąd. My żeśmy złożyli, tak jak wiadomo, pozew do sądu i czekamy na to, jak sąd rozstrzygnie tę sprawę. Nie będziemy tego komentować, to jest sprawa między nami a Airbusem, która rozstrzygnie się w sądzie. Przypomnijmy, przez wykruszenie w nawierzchni lotnisko było zamknięte od końca grudnia 2012 roku do lipca 2013 roku. Głogowskie Muzeum wzbogaciło się o bezcenne eksponaty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, w jaki sposób zabytki znalazły się w placówce. Naczynia z epoki brązu przekazał tajemniczy darczyńca, powiada Maciej Iżycki z Głogowskiego Muzeum. Pod bramą muzeum jego pracownik znalazł porzucony pokaźnej wielkości pakunek, którego zawartość zaskoczyła wszystkich. W paczce znajdowało się bowiem 10 niemal kompletnych, bardzo dobrze zachowanych naczyń ceramicznych datowanych na epokę brązu oraz kartkę, na której darczyńca napisał, że uznał, że miejsce tych naczyń jest w muzeum, a nie w jego piwnicy. A na kartce podpisał się jako miłośnik ziemi głogowskiej. Teraz w muzeum nieprzerwanie trwa dyskusja, kto może być tym hojnym darczyńcą i skąd ma cenne przedmioty. Pracownicy muzeum chcieliby serdecznie podziękować darczyńcy za tak szczytny gest. Jednocześnie chcieliby zwrócić się do ofiarodawcy o przekazanie muzeum informacji na temat pochodzenia tych zabytków. I dlatego muzeum prosi darczyńca o kontakt, choćby mailowy. To był Serwis Trójki. Jutro pogodniej bez opadów na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju na przemian. Przejaśnienia i chmury, a do tego deszcz oraz burze zagrzmi w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, na Mazowszu oraz na Podlasiu. 17 stopni w Gdańsku, w Warszawie 20 stopni, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Pod dachami Paryża. Ne prenez point femme dans le mois de mai, ne prenez point femme dans le mois de mai, moi j'en ai pris une, j'en suis tout benêt. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Moi j'en ai pris une, j'en suis tout benêt, moi j'en ai pris une, j'en suis tout benêt. La première nuitée qu'avec elle je couchais, j'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. La première nuitée qu'avec elle je couchais, la première nuitée qu'avec elle je couchais, me flanqua sur la goule avec ses 5 dés. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Flanqua sur la goule avec ses 5 dés, me flanqua sur la goule avec ses 5 dés. Moi j'ai pris mes hardes et m'en suis allé. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Moi j'ai pris mes hardes et m'en suis allé. Moi j'ai pris mes hardes et m'en suis allé dans les tableaux vaches pour m'y reposer. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Dans les tableaux vaches pour m'y reposer, dans les tableaux vaches pour m'y reposer, les pieds à la crèche, la tête sur le fumier. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Les pieds à la crèche, la tête sur le fumier, les pieds à la crèche, la tête sur le fumier. Mais v'là que notre vache noire vers moi s'est tournée. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Mais v'là que notre vache noire vers moi s'est tournée. Mais v'là que notre vache noire vers moi s'est tournée. A tordi sa couette et me bousille dans le nez. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. A tordi sa couette et me bousille dans le nez. A tordi sa couette et me bousille dans le nez. Les femmes et les vaches sont tout après mai. J'entends le coucou maille maille, j'entends le coucou maille doux. Ne prenez point femme dans le mois de mai. Nie bierz żony w maju. Ja to zrobiłem i teraz mam za swoje. Żona poślubiona w maju nie będzie ci wierna. Tak w każdym razie głosi mądrość ludowa zamknięta w piosence. Wyśpiewał ją Bretończyk Serge Kerval. Czy takiej rady posłuchają narzeczeni? Zakochani są zwykle pewni swojej miłości i żadne przesądy nie odwiodą ich od zrealizowania planów. A maj to taki piękny czas, pełnia wiosny, wszystko kwitnie wokoło, feria barw, zapachów, ptasich treli. Właśnie nastał maj, a my lubimy oglądać śluby, czy także słuchać o nich piosenek? Przekonajmy się. A zatem dziś pod dachami Paryża będzie o ślubach, czyli pour meilleur et pour pire, na dobre i na złe. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna, dobry wieczór. O małżeństwie, ślubach można śpiewać w różnej tonacji. Wesoło, smutno, cynicznie, złośliwie, lirycznie i zawsze z marszem Mendelssohna w tle. Małżeństwo, po francusku mariage, to akt uroczysty, łączący dwie osoby, zwykle kobietę i mężczyznę, scala związek, któremu życzymy trwałości w miłości. Małżeństwo daje także nowej parze statut socjalny. Po wydarzeniach maja 1968 roku niektórzy zaczęli ignorować oficjalny charakter małżeństwa, uznając, że aby żyć razem, nie muszą stawać przed urzędnikiem czy księdzem. Wybierają wolny związek, nazywany też związkiem partnerskim. W początkach XXI wieku notujemy zadziwiający powrót do tradycji. Dotyczy to zwłaszcza małżeństwa i ślubów. Znowu ważna jest ceremonia. Nastała moda na przepych, wystawne wesela, tłumy gości. Ulegają jej nie tylko ci, których na to stać. Istnieje bowiem rodzaj przymusu i w konsekwencji często polskie przysłowie zastaw się, a postaw się staje się rodzajem komentarza. Ale czas oddać głos pieśniarzom. Oto co mają do powiedzenia na ten temat. A więc tak czy nie? Chcesz ją lub jego poślubić? Musicole mandingue, tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère. Quand notre tendre affinité a fondu comme neige en été. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Né dans un petit bouquet rose étant la couleur de mon bracelet. Ou sexe faible, apparenté, je fus fortement désappointé. Par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermet depuis, je crois savoir que tu ne l'aurais pas, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Tu as commis le premier faux pas. Mais maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et nos doigts bagué, bagué, bagué. Et nos mains bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, parti déjà en retard, j'accroche à mes oreilles un sourire qui ne tombera qu'au coucher du soleil. Tous ces costumes et ces chapeaux qui s'amoncellent sur le parvis dégainent les appareils photos pour figer à tout jamais ce grand moment de la vie. Le discours du curé qui s'éternise en redondance. Combien de temps va-t-il durer avant l'arrivée des alliances? Les deux familles qui se jalousent l'élégance de leurs descendants. Et lui, bon sang, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Et elle paraîtrait qu'elle a un amant. Les mariages sont souvent très beaux, mais jamais très gais. Dans le décalage entre ce que l'on vaut et ce que l'on promet, on est souvent plus près du faux que du vrai. Protocolaire jusqu'à la sortie, mamie avec les parents et les petits devant, sortant sous la verse et pas seulement de riz. Les mariés sous un parapluie tirent une tête d'enterrement. Le banquet tellement attendu et son cortège d'animation familiale. Le discours du papa ému fait rapidement place aux chaises musicales. Les mariages sont souvent très beaux, mais jamais très gais. Dans le décalage entre ce que l'on vaut et ce que l'on promet, on est souvent plus près du faux que du vrai. La fête tourne alors au cauchemar, s'installe doucement le pire dans le meilleur. Nous n'atteindrons que très très tard les vertigines au sommet de l'horreur. Tonton Georges complètement déquerre, la belle-mère qui roupille, le pot de chambre et la jarretière, le linge sale lavé en famille, la mariée qui fond en larmes, le marié qui met les voiles. Je contemple alors en solitaire le DJ qui finit les vers. Les mariages sont souvent très beaux, mais jamais très gais. Dans le décalage entre ce que l'on vaut et ce que l'on promet, on est souvent plus près du faux que du vrai. Les mariages sont souvent très beaux, mais jamais très gais. Dans le décalage entre ce que l'on vaut et ce que l'on promet, on est souvent plus près du faux que du vrai. Il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses à-t-il dit allaient commencer. Il m'a emmené près de la rue des Hauts Pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés. Pour s'inspirer de l'un d'eux et immortaliser la joie qui nous transperçait, qui nous rendait jolis, mon gai, si heureux, si plein de bonheur à venir que j'en baillais. Ma chérie, tu vois la fille au fond sous les lilas, en Amazon avec le bras désinvolte, on dirait toi. Oui, c'est un peu vrai, mais je lui trouve le regard niais. C'est à ça que je pensais quand j'ai dit qu'elle te ressemblait. La jeune épouse en crampons serre un ballon contre son cœur. C'est l'amour du sport, le foot est plus fort que la mort. Les serments dans les gradins, allez le stade et je t'adore. Et là, quelle erreur, la mariée, elle a peur. Mais non, c'est du naturel puisqu'elle est femme de chasseur. Un gibier encore si frais qu'on dirait qu'il dort, jeté par-dessus l'épaule de l'époux. Voile décor. Brandissent-elles un trophée des roues de vélo défraîchies? Monsieur est cycliste et sa photo très fantaisiste. Mais qu'en serait-il s'il était sumo ou véliplanchiste? Et là, celui-ci, sous ses médailles et son képi, qu'il est attirant, qu'il est beau et comme il me fait envie. Pour clore la liste, regarde-moi cet air triste de la fille qui regrette mais qui va entrer en piste. Allez! De sport, main dans la main, on se sourit parce que demain on va se dire oui. C'est grave comme c'est bien quand on se marie, ça je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit. Dans le poste, il y avait un Jackson, Just Can't Stop Loving You. Elle et moi, jouait du klaxon, qu'est-ce qu'on était dans le coup. Roulait bien notre Ferrari, c'était pas rien, on était bien partis. Ouais. C'est grave comme c'est bien quand on se marie, ça je m'en souviens parce qu'on s'était dit oui. Moi je pensais que c'était pour la vie. Marine, c'était pas pour le film. Qu'on était à l'autre bout du globe, que je t'avais enfilé cette robe. C'était pas pour faire snob, c'était pas pour la frime. Moi j'étais in love, moi j'étais in love, moi j'étais in love. Bienvenue au César Palace, au bord de la piscine. Pour la fête, y a pas meilleure place, c'était dans le magazine. Des magiciens, des confettis, musicien qui joue du funk. C'est grave comme c'est bien quand on se marie. Ça, je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit. Le Photo du Mariage i Las Vegas. To były tytuły piosenek, a śpiewali Paris Combo, Aldebert, Jean Chéral i Mathieu Boguer. Na kolejną piosenkę chcemy Państwu zwrócić szczególną uwagę. To ballada Georges'a Brassensa, nietypowa dla jego twórczości. Nie odnajdziemy tu trzeźwego filozofa, raczej lirycznego poetę. Przytoczmy może słowa Jacques'a Brela. Kocham Brassensa. Napisał piosenkę dla Auvergnaka, ale przede wszystkim marsz weselny. Uważam ten utwór za coś niesamowitego. Oto jego polska wersja Jerzego Menela. Rozsądek, miłość, szmal łączą na wieki nas. Przesłanką ślubów są, stwierdziłem to nieraz. Widziałem śluby kpów, fryzjerów, w karty graczy, tych, których skrzywdził los i wielkich posiadaczy. Choć dano by mi żyć tysiąc i więcej lat, ów dzień w pamięci mej, w mym sercu będzie trwać, gdy ojciec mój wraz z matką rozchwianym szli szpalerem, by odbyć skromny ślub przed samym panem merem. Zwyczajny wiejski wóz niósł ich tam, niecąc kurz, w zaprzęgu krewnych rząd i kilku bliskich dusz, aż starzy zakochani spełnili plan małżeństwa. Po tylu latach trosk, miłości, narzeczeństwa. Korowód dziwny nasz wlokuł się przez kocie łby, a tłum zdziwiony wzrok wytężał, gdyśmy szli. Niefrasobliwy świat spoglądał na nas krzywo, gdyż po raz pierwszy mógł zobaczyć takie dziwo. Złowieszczy wydał jęk nieprzychylny nam wiatr. Zmiótł ministrantów i kapelusz ojcu skradł, a deszcz szpilkami kropel ciął, mściwą czując wenę, jak gdyby przerwać chciał ten ślub za wszelką cenę. Powstrzymać matki łez nie mógł nikt ani róż, gdy stała tuląc jak laleczka bukiet róż. Ja, by jej ująć trosk, by uczcić ich wesele, w organki dołem marsz, co brzmiał jak ten w kościele. Pokazał orszak pięść władcom chmur, władcom burz. Ten ślub na przekór wam odbędzie się już. Wbrew niebu, które wraz z motłochem krzyczy stać. Niech żyją młodzi nam. Ten ślub ma dalej trwać. La Marche Nuptiale Georges'a Brassensa śpiewała pierwsza jego wykonawczyni, Barbara. Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent mariés devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, poussé par les amis, tirée par les parents, que les vieux amoureux furent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces et de ce style. Voici le vent qui souffle en portant crève-cœur le chapeau de mon père et des enfants de cœur. Voici la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur, montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue. Et vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content des jours de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire. Que l'on parte sans tambour ni trompette, que l'on parte, chiche, que l'on prenne un bateau qui nous mène vers un pays nouveau, chiche, mon amour, oui, chiche. Non, ce n'est pas le vent qui décoiffe tes cheveux, non, mais le jeu turbulent de mes doigts amoureux. Non, ce n'est pas la pluie qui embrume tes yeux, mais l'instant merveilleux qui nous a réunis. Chiche, mon amour, quand ce jour chiche, que l'on reste tous les deux très heureux, que l'on reste chiche, mon amour, ma chérie, qu'on se marie pour toujours dans une petite mairie. Tu veux bien, oui, chiche. Mon amour, ma chérie, qu'on se marie pour toujours dans une petite mairie. Tu veux bien, oui. Dans un ravissant équipage, emmitouflé dans mon plumage, je suis prête pour l'esclavage, prête à recevoir vos hommages, mais bague au doigt, juste un fil de soie. Avec vos airs et vos guitares, vous êtes toujours sur le départ. Nous aurons des amours barbares, pleines de fièvre un peu bizarre. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Donne à vous en pâture, mais j'ai revêtu mon armure m'infligerez des tortures. Tout le reste, je le censure. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Votre corps, vos lèvres m'attirent. Je vais succomber au plaisir, au charme aigu de vos désirs, avec soupir sans repentir. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Les horloges sont arrêtées, chaque seconde est un baiser. La terre a cessé de tourner, vous avez su m'apprivoiser. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Renversés dans des cachemires, nous pouvons frémir et gémir. Vous m'avez fait refleurir, à en pleurer, à en pâlir. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Dans les bras de celle qui dort enfin confiante et bête parce qu'elle croit que tu es son maître. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie. Dans les bras de celui qui dort, orgueilleux, confiant et bête, tu sais bien qu'on s'aime encore. Alors ces deux qu'on aime pas, qu'on aime un peu, marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Ils nous offrent la guérison, d'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie. À la source de leur amour, mais que font-ils de notre amour, ceux qui ont pris la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors c'est d'eux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Elles nous font rire et leur colère, et leur rire nous font pleurer, et leur peine nous indiffère. Ils sont bien faits pour bien s'aimer. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. Mais nous deux, chez nous. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. La Marche Nuptiale śpiewała Barbara Shish, Henri Salvador, przypominając przy okazji o swoich jazzowych fascynacjach. Juste un fil de soie, Jean Moreau, a Marions-les, Juliette Gréco. Padło tu przed chwilą nazwisko Jacques'a Brela. Oto jego autorska piosenka na omawiany temat. Demain, l'on se marie. Piosenką właśnie tą, nuconą w letni zmierzch, zmusimy miłość, niech przeniknie nas na wskroś. Zmusimy miłość, by, jeżeli tylko chcesz, kowalem stała się, co nasz wykuje los. Ponieważ ślub nasz jutro już, wspólna piosenka niechaj brzmi. Gdy życie nam otwiera drzwi, co zobaczymy? Powiedz mi. Zmusimy krnąbrny wzrok, by tylko widzieć chciał te ładne rzeczy, co we wszystkich rzeczach tkwią. Wzrok rozpalimy, by nadzieję sobie miał, by się jak pękiem róż z innymi dzielił nią. Gdy życie nam otwiera drzwi, otwórzmy je piosenką tą, ponieważ ślub nasz jutro już. Niech tej piosenki słowa brzmią. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi ce que nous chanterons. Nous forcerons l'amour à bercer notre vie d'une chanson jolie qu'à deux nous chanterons. Nous forcerons l'amour, si tu le veux, mamie, à naître de nos vies que l'humble forgeron. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi ce que nous y verrons. Nous forcerons nos yeux à ne jamais rien voir que la chose jolie qui vit en chaque chose. Nous forcerons nos yeux à n'être qu'un espoir qu'à deux nous offrirons comme on offre une rose. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi encore où nous irons. Nous forcerons les portes des pays d'Orient à s'ouvrir devant nous, devant notre sourire. Nous forcerons, mamie, le sourire des gens à n'être plus jamais une joie qui soupire. Puisque demain s'ouvre la vie, ouvrons la porte à ces chansons. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Quand j'épousais Sylvie, vingt filles prirent le deuil. Comme si mariée mamie me mettait au cercueil. Croire que le mariage ainsi fait oublier de si beaux paysages le temps passé. Mais c'est croire aux barbares, c'est croire qu'aujourd'hui on perd toute mémoire quand on partage un lit. Pensez-vous donc, Jeannette, sombrée dans mon oubli, demoiselle Cisvel, arbre de paradis. Pensez-vous donc, Gertrude, vraiment je sois si prude pour oublier vos yeux et vos si longs cheveux. Vous croyez aux barbares, vous croyez qu'aujourd'hui on perd toute mémoire quand on partage un lit. Quant à vous, Joséphine, je vous ai vue depuis, toujours aussi câline, vous jouez du sourcil, cette fleur qui parle, que vous êtes toujours, jamais ne se fane au beau temps de l'amour. Mais vous êtes barbare, vous croyez qu'aujourd'hui, on perd toute mémoire quand on partage un lit. Quant à vous, Aldegonde, votre voix quand elle gronde pour appeler les poussins, je ne l'oublierai point au pays de nos pères. Vous voilà la fermière, si rude sont vos mains, votre cœur ne l'est point. Vous n'êtes point barbare. pour croire qu'aujourd'hui on perd toute mémoire quand on partage un lit. Au-dedans, au-dehors, chacune vous avez les plus doux trésors, différents et variés, nourris de vos yeux, bleus ou noirs tous aimés, nous voilà enrichis de toutes vos beautés. Ne soyez point barbares, croyez bien qu'aujourd'hui, vous nous poussez à croire qu'il y a un paradis. Un, deux, trois, un, deux, trois. Un banc pour les noces de Sylvie. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut se marrer. Et regarde tonton Amédée, il se taperait bien la marée. Ou alors lui, c'est un sacré, toujours premier à picoler et à sortir des cochonneries. Quelle belle liste de mariage. Un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Du batifolage, des drains nylon et des fonds cochons, c'est tonton Amédée qui les a achetés. Lance un cotillon à Sylvie, elle a pas l'air de s'amuser. Oh, elle l'a pris en plein dans le nez, c'est dingue, ça la fait pas marrer. Faudrait la forcer à danser. On n'est pas tous les jours mariés. Ah chouette, flala, danse du tapis. Quelle belle liste de mariage. Un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Et pour ce qui est du batifolage, des draps en nylon et des fils cochons, c'est tonton Amédée qui les a achetés. C'est l'heure de la jarretière à Sylvie. Eh, hey, c'est trop bas, faut la remonter. C'est le moment d'en profiter. Oh, ça y est, c'est l'oncle Amédée. Pas le temps de jouer, c'est déjà gagné. Il gêne pas pour la tripoter. Ben, qu'est-ce qu'elle a ? Elle chiale, Sylvie. Pourtant, une belle liste de mariage. Un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Et pour ce qui est du batifolage, des draps en nylon et des fils cochons, c'est tonton Amédée qui les a achetés. Marie śpiewał Jacques Brel, choć nie sam. Fragmenty piosenki poznali Państwo w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Poza tym usłyszeliśmy Sylwii w wykonaniu Juliusa Bocarn i Tonton Amédée śpiewało kobiece trio Les Ailes. Wracamy do Brassensa. Oto nie prośba o rękę. La non demandant mariage. Brassens zadedykował ją swojej wiecznej narzeczonej Joa Heyman. Nazywał ją Pipsza. Para nigdy nie zalegalizowała swojego związku, choć ten trwał od roku 1945 aż do śmierci Brassensa w roku 1981. Każdy z nich mieszkało oddzielnie. Spotykali się 3 dni w tygodniu.

je te dispense qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus, elle et moi, que 20 ans, mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs. Nous étions enlacés, tout honte de bonheur. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon, et nous ceinturions la terre, elle et moi, comme des vagabonds, pour s'abreuver à la source de l'amour, cet éternel printemps. Nous partagions la mousse du château de la rose des vents. À présent je suis seul et je marche toujours, mais quand je sentirai venir mon dernier jour, sur la tombe où déjà repose mon amour, heureux j'irai m'étendre et mourir à mon tour. Et sous la même croix nos deux corps dormiront, nos yeux seront cernés par le même horizon, et de la même terre nos bouches s'empliront, quand pour l'éternité nos âmes s'uniront. Le palais de nos chimères a croulé avec mes illusions, et sous le poids de ses pierres se lézarde un cœur de vagabond. Mon passé qui me domine me pousse à errer par tous les temps et dormir parmi les ruines du château de la rose des vents. Śpiewali Georges Brassens i Charles Aznavour. Tytuły piosenek La non demande en mariage i Le palais de nos chimères. I tak poznali Państwo kilkanaście interpretacji przypadku zwanego małżeństwem. Przedstawimy jeszcze jedną. Przedtem jednak, jako że mija czas naszego spotkania, powiemy Państwu dobranoc. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Usłyszymy się 20 maja tuż po 22. Żegnamy się piosenką, której tytuł jest niejako wpisany w sens całego tego zamieszania. Pour le meilleur et pour pire. Na dobre i na złe. Śpiewa Catherine Sauvage. Les mariés s'habillent de voile comme les bateaux en partance, vers on ne sait trop quelle étoile, berçant la nuit de leur enfance. Les mariés s'habillent de noir comme les marins en souffrance, quand naviguent sur le trottoir leurs noces qui chantent et qui dansent. Pour le meilleur, les mariés partent sans escale, les filles s'habillent de rire en ôtant leurs robes de bal. Les filles s'habillent de rire, mais lorsque la vague les couche, elles ont, quand la barque chavire, un goût de sable dans la bouche. Les mariés s'habillent de gestes appris l'autre nuit au salon d'une maison du quai de Brest, enterrant leur vie de garçon. Pour le meilleur et pour le pire, les mariés partent sans escale, les filles s'habillent de rire pour une étrange marche nuptiale. Les filles s'habillent de rêve comme des voiliers de haubans et vont s'échouer sur une grève le long d'un amant qui s'endort. Les mariés s'habillent de mots et derrière eux tirant la porte, ils dorment en se tournant le dos dès que le sommeil les emporte. Pour le meilleur.